Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal. Je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Dans ce podcast 2030 glorieuses, moi je rencontre ceux qui sont les signaux faibles des mondes respectueux de demain. Je suis très heureux de lancer ce podcast avec toi, Jean-Jacques. Jean-Jacques Fascal, bonjour. Bonjour. Tu as un métier primordial qui est amené à se développer partout en France. Tu es maître composteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui n'ont encore jamais entendu parler de maître composteur? Alors, un maître composteur, c'est un joli mot parce qu'il y a la notion un peu d'artisanat, hein, de la belle ouvrage. Moi, je m'estime effectivement un artisan. Donc, c'est un spécialiste, bien sûr, du compostage. Alors, c'est un métier qui comprend différentes activités. La première, c'est de la formation. Donc, je vais former différents publics, aussi bien du grand public que des professionnels. Ça peut être des jardiniers, des chargés de mission déchets dans les collectivités. Dans le grand public, ça peut être des référentites de compostage, c'est-à-dire des gens qui vont se lancer dans cette aventure-là collectivement dans leur immeuble. Ça peut être aussi des profs, ou aussi des gens qui travaillent en association. Ça va être des formations, des formats courts, une heure et demie, jusqu'à une ou plusieurs journées. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de l'accompagnement de la mise en place de projets. Donc là, je vais accompagner des gens à se lancer dans une installation de compostage. Ça peut se faire en pied d'immeuble, dont je suis le pionnier à Paris. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais ça se fait aussi en entreprise et en établissement scolaire. Et puis le dernier volet, c'est une partie conseil. Donc il m'arrive de conseiller des collectivités justement pour déployer des plans de compostage. Et enfin, une partie communication. Donc là, ça peut être du community management sur ces sujets-là. Donc ce que je fais par exemple pour le SICTOM qui a créé un site qui s'appelle jecomposteenville.fr, ça peut être de relire des documents de communication ou les créer. Et puis la quintessence de tout ça, c'est le bouquin que j'ai écrit sur le compostage. Dont le titre est Je composte en ville. Alors justement, avec 2030 Glorieuses, l'idée c'est d'aller sur le lieu de travail et d'arriver à incarner et à entendre un peu, du coup à travers le podcast, tous les sons. Alors là on n'a pas de chance, aujourd'hui il pleut, il vente, on est dans des conditions dantesques, donc on est dans le 12e arrondissement de Paris, juste à côté d'un des composts publics que toi tu animes. On a beaucoup d'idées reçues, de clichés, on a entendu tout et son contraire sur le compostage, puisqu'il y en a qui le font depuis des années sans jamais y avoir réfléchi. Dans leur jardin, sur leur balcon d'immeuble, à l'intérieur des maisons même directement. Et il y a de plus en plus la solution de compostage collectif qui se développe. C'est là, toi, où notamment tu interviens. Oui, moi, mon histoire, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand j'ai changé de vie, je me suis posé plein de questions sur ma vie et les impacts au quotidien, aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. Et les déchets, c'est quelque chose qui revient tous les jours. Donc, je me suis posé la question en me disant, ces biodéchets, c'est quand même complètement idiot de les faire ramasser par un camion qui va dépenser et produire du CO2 pour aller les incinérer. Et brûler des déchets qui sont pleins d'eau, c'est quand même la pire des inepties. Donc, je me suis dit qu'effectivement, on pourrait sûrement faire du compost, comme on le fait effectivement à la campagne, en ville. À l'époque, ça ne s'était jamais fait à Paris. Par contre, la Rennes Métropole s'était déjà lancé dans cette initiative dès 2006. Donc j'ai fait un copier-coller de ce retour d'expérience, ce qui m'a fait beaucoup gagner de temps, et je l'ai proposé à mon bailleur et la maire d'arrondissement. Donc là, on est en 2007. Il a fallu un an pour rassurer tout ce beau monde, puisque ça ne s'était jamais fait. Et en 2008, donc il y a maintenant 12 ans, j'ai lancé ce premier site de compostage en pied d'immeuble à Paris. Et là, c'est un mouvement qui est exponentiel, puisque aujourd'hui, en 2020, on se retrouve avec des dizaines, voire des centaines de composteurs. Alors à Paris, collectifs. Il y a pratiquement 500 immeubles qui sont équipés, 200 écoles et puis une centaine de sites institutionnels. Donc effectivement, ça s'est largement développé. Un projet complètement essentiel, comme tu le disais, puisqu'on se retrouve à déplacer nos déchets. Un Français, avec les derniers chiffres, c'est 568 kilos de déchets qu'il produit chaque année, dont un tiers qui sont justement des déchets organiques. Donc les traiter en proximité, c'est toujours la meilleure chose. Un, parce qu'effectivement, on va pas générer de transport. Le traitement va lui-même être plus vertueux, puisque composter, c'est quand même mieux qu'incinérer. Et puis surtout, il y a psychologiquement quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que quand je traite moi-même mes déchets, je suis beaucoup plus impliqué. Et en amont, je vais me poser des questions sur ce que je mange, qu'est-ce que j'ai dans mon bio-seau, puisqu'on utilise un petit seau là, de 5 à 10 litres pour stocker ces biodéchets avant de les amener. Et donc du coup, c'est porteur de sens. Moi, je dis toujours que ce bio-seau, c'est une sorte de boîte de Pandore qui fait se poser des questions. C'est pour ça que le compostage de proximité fait par et pour le citoyen, il est toujours plus vertueux qu'une collecte sélective. Alors je ne suis pas du tout contre le fait de collecter des biodéchets, et notamment à Paris, il faudra aussi le faire, puisqu'on est dans une ville tellement dense qu'on ne pourra pas faire du compost collectif partout. Mais voilà, si on peut le faire soi-même, il y a une implication qui est bien meilleure. Dans ce podcast de 2030 Glorieuse, il y a un angle métier qui m'intéresse tout particulièrement, parce que toi, vraiment, tu incarnes à terme, typiquement, ces métiers de demain qui deviendront évidents et qui aujourd'hui ne le sont pas encore. Concrètement, à quoi ressemble ta semaine type ? Alors, elle est très variée. C'est ça qui est intéressant, puisque moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie assez rapidement. Alors, j'ai travaillé aussi pour que mon métier soit varié. Mais exemple, hier, j'animais une formation d'une journée de référent de site de compostage. Demain matin, je vais installer un site de compostage dans un collège du 12e arrondissement. Le lendemain, dans une école maternelle du 15e. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur le blog Compost à Paris qu'a lancé la ville de Paris, dont j'assure le community management. Et puis vendredi, je vais sûrement appeler les prochains sites pour faire des visites d'audit pour décider si oui ou non c'est possible de faire du compost chez eux. Donc non seulement c'est varié, et puis ce qui est génial, c'est que je rencontre des gens qui sont super motivés. J'ai eu d'autres métiers dans ma vie où parfois j'ai formé des gens qui n'étaient pas très réceptifs. Là, les gens, ils sont sympas, ils ont envie, donc c'est incroyable. Et j'entends que tu es devant un ordinateur, tu es devant des gens, tu es les mains dans la terre, tu es tout le temps en mouvement. Ouais, ça, c'est super intéressant. Un petit peu de bricolage, un peu de jardinage, des relations humaines, l'apéro compost. Oui, j'ai oublié, lundi soir, voilà. Et il y a deux jours, j'étais en train de faire une inauguration de site de compostage où, bien sûr, on a terminé par l'inénarrable apéro compost où on boit un verre avec tout le monde. Et magie de ce compostage collectif, des gens qui ne se connaissaient pas commencent à se parler alors qu'ils habitaient le même immeuble côte à côte. Oui, on reviendra à la notion de lien au vivant dans sa globalité là que représente un projet comme le tien. Ce que je voulais dire aussi sur le rythme de ton travail, c'est qu'en plus, non seulement il change dans la semaine, mais il suit aussi le rythme des saisons. Nous sommes actuellement en hiver, ton quotidien n'est pas du tout le même que ce qu'il sera au printemps, en été, etc. Bah, tout à fait, parce que alors, j'ai aussi des diversifications de métiers, mais je crée et j'anime aussi des jardins partagés. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la mort de saison, alors que dès qu'on va reprendre au mois de mars, ça sera plus chargé, effectivement, notamment les week-ends, sur cette partie de métier. Tu disais rencontrer des gens passionnants, tu disais avoir eu d'autres métiers. Tu as eu tout un cheminement dans ta carrière professionnelle qui t'a fait passer, pour la faire courte, de... comment tu disais de la musique, voilà, l'organisation de ouais. spectacles à la direction de Bercy Village. Donc j'ai fini garant du temple de la consommation et de la boboitude. Et de la surconsommation même là. Ouais. Alors même si le bobo donne un sens à sa consommation, donc il a déjà fait un pas. Mais le lien de toutes ces expériences professionnelles, c'est la passion. C'est-à-dire que ma première passion, c'était le rock. Donc j'ai travaillé dans ce secteur-là. La deuxième passion, le cinéma. J'ai été directeur de cinéma, etc., etc. Donc une passion nouvelle en chasse une autre. Et là, tu te lances dans un métier qui est assez peu connu, j'imagine, qui n'a pas, les marqueurs de succès de notre société classique, à savoir le pouvoir, une image forte et peut-être encore moins la rétribution financière qui va avec. Quel a été le regard de ton entourage sur cette décision ? Alors, c'est comme dans toutes les utopies. Hein. Aujourd'hui, au début, les gens rigolent, prennent pour un fou et puis... Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a 15 ans, dans les soirées, c'était plutôt le gars qui bossait dans la finance que tout le monde courtisait. Et puis, quand je me suis lancé là-dedans, quand même, assez souvent, en soirée, je ne suis pas seul. Hein, beaucoup de gens viennent me parler. Il y a, je pense, un petit peu d'admiration, quand même, et peut-être d'envie, c'est-à-dire se dire, ben, cette personne a peut-être eu le courage de faire ce que je ne suis pas encore, ce que je n'ai pas encore le courage de faire, mais ça fait envie. Donc, on voit bien que les choses avancent. Et donc, c'est un métier qui fait envie. Puis, je vois bien le nombre de médias qui ont pu déjà m'interviewer. C'est un signe que, voilà, c'est un métier qui est porteur de sens et qui intrigue, en tout cas. Je ne sais pas s'il fait envie, mais en tout cas, il intrigue. Tu dis que l'imaginaire collectif, il est en train de changer à vitesse grand V. Il y a 10, 15, 20 ans, l'idéal était le pouvoir, l'argent. Aujourd'hui, c'est le sens. Toi, tu as osé poursuivre cette quête de sens. Il y a plein de personnes qui, peut-être même, nous écoutent, qui n'ont pas encore osé se lancer dans cette quête de sens. Comment tu expliques le fait qu'on puisse décider ou subir, ça dépend vraiment de toutes les situations, mais de faire un de ces fameux bullshit jobs dont on parle de plus en plus? Ben, je pense qu'il y a des gens qui ont des capacités de résilience relativement fortes. Moi, j'ai du mal à supporter, effectivement, la contrainte. C'est peut-être un défaut, mais c'est peut-être aussi une qualité. Effectivement, moi, quand ça va pas, je vais ailleurs. Et par contre, quand j'ai envie de quelque chose, j'essaie de l'obtenir. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir le courage, quoi. Le travail ne doit pas être son sens étymologique là, du tripalium de la souffrance. Et malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent ça. Et qui assimilent le travail à la souffrance. Oui, parce que c'est leur réalité. Et donc ce courage, toi, quel conseil tu donnerais? Tu y mettais la notion de courage derrière? Moi, je pense qu'il faut écouter. Il faut tout simplement écouter son cœur et aussi sa, oui, son cœur, ouais, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Ouais. Il faut s'écouter. Ouais. Lever la tête du guidon un peu. Oui, je vais donner juste un exemple. Moi, je sais que jusqu'à mon dernier boulot de l'ancienne vie, je digérais très mal. Parce que je pense que j'avais beaucoup de stress. Hein. J'avais des métiers aussi à responsabilité. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce problème-là. Je peux éteindre mon téléphone la nuit. Je sais qu'on ne viendra pas me réveiller à 2h du matin parce que, je sais pas, il y a une tempête et qu'il y a un souci dans l'établissement que je dirige. Voilà. Et puis, même les relations avec les gens. Quoi. Il y a moins de relations quand même conflictuelles, moins de relations de pouvoir. Les gens ont envie. Donc, moi, aujourd'hui, mon métier, c'est je transmets mon enthousiasme. Au-delà d'être un expert technique, bien sûr, je suis un expert technique du compostage. Mais ma plus-value, c'est effectivement de rassurer, de donner envie, d'emmener les gens dans cette nouvelle aventure. Et cette quête de sens, j'ai l'impression qu'elle irradie, qu'elle rayonne. Peut-être même les premières personnes qui sont autour de toi, c'est-à-dire ton entourage, ta famille, tes amis, non? Ils le sentent? Oui, oui, oui. Je pense qu'ils ont bien vu que j'étais plus apaisé et serein avec ce nouveau métier. Et on le disait tout à l'heure, le fait de remettre les mains dans la terre, d'avoir cette boîte de Pandore qui est le seau à compost à l'intérieur de chez soi, ça permet de sortir du mode automatique, mais ça permet aussi de recréer du lien entre les voisins, non ? Oui, alors mettre les mains dans la terre, c'est un vrai truc. Moi, j'avais pas cette culture hein, du jardinage. Il y a un très beau film, là, Le potager de mon grand-père, que je conseille à tout le monde de regarder, puisque ça montre qu'autrefois, cette technique de jardinage, elle était transmise par les grands-parents, parce que c'est souvent les grands-parents qui gardaient les enfants, je sais pas, le week-end ou pendant les vacances. Donc il y avait cette transmission naturelle. De même qu'autrefois, on allait en forêt avec les grands-parents et on connaissait tous les noms d'arbres, etc. Il y a eu une coupure. Ma génération n'a pas connu cette transmission-là. Donc on se retrouve avec des gens comme moi qui, à 40 ans, sont obligés de réapprendre le béaba de ces choses fondamentales qui est cultiver son jardin ou se promener en forêt pour connaître la nature. Alors moi, j'aime mettre mes mains dans la nature, mettre mes mains dans la terre. Je n'aime pas d'ailleurs mettre de gants parce que j'aime bien effectivement avoir les mains entre guillemets sales, parce qu'elles sont pas sales, elles s'imprègnent de quelque chose d'un petit peu spirituel, quoi. Alors sans tomber dans le... Mais il y a quand même, je pense qu'il y a quelque chose de ce type, quoi. Ça fait du bien de mettre les mains dans la terre et de se ressourcer. Qui plus est pour des gens élevés hors sol dans le béton de la ville. Ouais, et les gens autour, tu sens qu'il y a cette connexion qui se refait à travers ce prétexte de la valorisation des déchets. Oui, le compost, c'est... À nouveau, hein, je suis un expert technique du compostage, mais je ne serais pas aussi passionné s'il n'y avait pas toutes ces, tous ces, ces fils à tirer. Et ça fait se poser des questions sur même la notion de déchet. Qu'est-ce qu'un déchet? Pour moi, il n'y a pas de déchet. Il n'y a que des ressources potentielles. Donc, on va se poser des questions sur qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, est-ce qu'on épluche. Voilà, les épluchures, dans l'absolu, vaut mieux ne pas éplucher, notamment si on achète bio, pourquoi éplucher? Donc on va se poser des questions là-dessus. On peut se poser des questions sur plein d'autres déchets. Hier, dans la formation qu'on a fait d'une journée, on se retrouve à parler effectivement de pipi, de caca, puisqu'on parle des toilettes sèches, mais à nouveau des choses qui sont symboles de la vie, mais qu'on n'assume pas vraiment. C'est là où c'est quand même puissant en termes de questionnement. Et tout à l'heure, on cherchait un peu, tu m'as amené sur un lieu de compostage collectif qui est en pied d'immeuble, et tu m'as montré cet grand espace quand même, hein, on parle de, je sais pas, 200 mètres carrés au moins. Oui, sûrement, hein. Ouais. Et tu me disais avant, ça c'était la zone justement où les chiens venaient faire leurs besoins, ouais. Et ça a été complètement transformé. Ça dit quelque chose quand même de la relation même au lieu sur lequel on vit. Oui, c'est-à-dire qu'on avait, c'est un lieu qui était un peu abandonné, une ancienne aire de jeu pour enfants désaffectée, mais que le propriétaire ne voulait pas réinstaller. Donc voilà, les gens balançaient leur chien au-dessus de la grille pour faire leurs besoins. Et c'était un lieu collectif qui n'était plus utilisé. Donc là, on a repris la main sur cet espace, non seulement en faisant du compost, mais ensuite en essayant de boucler la boucle. Donc, et c'est souvent ce qui se passe dans les pieds d'immeubles. On fait du compost, mais ensuite on se dit, mais ce compost, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Donc ça donne envie à minima de planter un carré d'aromatique. Et à maxima, on se retrouve avec un jardin comme le nôtre, où on a un jardin partagé, un poulailler, un rucher, une mare, bref, un petit laboratoire d'agriculture urbaine qui montre que tout est possible, y compris en ville. Et parmi les clichés qu'on entend souvent sur le sujet, c'est le fait que, tu utilisais le mot de bobo tout à l'heure, ça intéresse une infime minorité, et donc sur un immeuble gigantesque de centaines de familles, finalement, il y en a 2-3 qui s'y mettront. Oui, alors le compost, il fonctionne partout, chez les bobos comme chez les classes les plus populaires. J'entends parfois des gens qui me disent « Mais comment voulez-vous qu'on fasse du compost dans cet immeuble alors que les gens jettent les poubelles par les fenêtres ?» Alors je dis pas que c'est pas vrai, hein. Ça peut arriver que dans certains immeubles, on lance les poubelles par les fenêtres, mais même dans ces immeubles-là, on va trouver des gens qui ont envie de faire du compost, parce que c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est proposé aux volontaires, et c'est la raison pour laquelle ça se passe bien. Ici, là, on est dans le compost, au pied du compost de quartier de la maison des associations du 12e arrondissement. C'est ouvert à tout le monde, même s'il faut être inscrit pour déposer ses biodéchets. Mais je veux dire, en 5 ans, nous n'avons jamais trouvé, un sac en plastique à l'intérieur des bacs. Il n'y a que les volontaires qui le font, et ils le font très bien. Oui, parce que tu le dis comme ça, mais on ne peut pas mettre de plastique dans les composts. Non, ce n'est pas le truc qui se composte le mieux. Et le fameux bioplastique, on est d'accord que ça aussi pose beaucoup de problèmes. Ce n'est pas non plus une très bonne idée pour plein de raisons. Ouais. Non, mais c'est fou, en fait, on entend tout un tas de prétextes qui poussent à l'inaction. Et moi, j'aime bien dire que notre imperfection, qui de toute manière nous accompagnera toute notre vie, ne peut pas plus légitimer notre inaction. De toute façon, moi, j'utilise beaucoup ce proverbe arabe, soi-disant arabe, qui dit qui veut faire trouver une solution, qui veut pas faire trouver une excuse. Quand on veut pas faire, on a toujours effectivement une bonne excuse. Et tu le vois avec le compost, la capacité du vivant à nous pardonner un peu nos erreurs en fonction de ce qu'on y met, de oui, comment on alors traite. Oui, alors effectivement, même un compost entre guillemets raté, déjà il faut. Pourquoi ça se passe bien? Parce que on accompagne les gens. Ça, c'est vraiment un facteur clé de succès qui a d'ailleurs été identifié par l'ADEME, l'Agence d'environnement de la maîtrise de l'énergie. C'est parce que les projets sont accompagnés par des professionnels que les gens vont très vite avoir de l'autonomie et vont le faire comme il faut. Mais effectivement, la nature a quand même une capacité d'éventuellement absorber les quelques petites erreurs qu'on peut faire de temps en temps. C'est très concret. On termine par 2-3 recommandations très concrètes pour les gens qui nous écoutent et qui viennent de terminer avec nous cette première partie. Ils ont envie de se mettre en compost. Il y a tout un tas de cas de figure qu'on ne va pas détailler ici. Mais quels seraient tes premiers conseils, en plus de ton bouquin dont tu vas nous redonner le titre? Mais voilà, les 2-3 plateformes, les 2-3... Alors, peut-être donner la règle de base qui est souvent pas utilisée, y compris à la campagne, hein, parce qu'on a toujours l'impression que les gens font du bon compost à la campagne, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Souvent, leur composteur, c'est un bourrier, hein, c'est un vieux mot qui veut dire une poubelle de jardin où les gens entassent leurs biodéchets dans ce composteur. La règle de base pour faire un bon compost, et notamment pour qu'ils ne sentent pas, puisque c'est souvent la crainte qu'ont la plupart des gens, c'est l'équilibre des matières. Donc les biodéchets qu'on va incorporer dans son composteur, qui sont avant tout des biodéchets alimentaires, On les qualifie de verts mous et humides, très pleins d'azote. Et bien, il faut faire un équilibre systématique. L'image, c'est de faire une lasagne avec différentes couches. Et il faut systématiquement rajouter une couche de matière brune, dure et sèche. Donc, à l'instar du bois broyé, ce qu'on appelle le broyat, ou plus facilement à la campagne, des feuilles d'automne qu'on va conserver au sec pendant l'automne. Donc ça, c'est la première règle de base. La deuxième, que tu l'as répété c'est de l'oxygène. Des centaines de fois. Ah, il faut mélanger, aérer cet ensemble, puisque nos petites bêtes, elles ont besoin d'oxygène. Et la troisième, c'est d'assurer un bon taux d'humidité. Mais en général, vu qu'on met beaucoup de biodéchets, on a de l'humidité. Et les gens, ils trouvent ces informations dans ton bouquin? Donc le bouquin, effectivement, composté en ville chez Rustica. Donc un bouquin très, très facile d'accès, puisque moi, mon positionnement, c'est aussi d'expliquer simplement les choses qui peuvent paraître compliquées. Et tu le disais, tu animes un blog? Et j'ai un blog donc, qui est sur composterie.fr, donc composterye.fr. Je redonnerai les liens, mais voilà, moi ça m'intéressait de donner de l'épaisseur à ce titre qu'on entend de plus en plus, cette profession de maître composteur que tu incarnes. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est devenu un vrai métier puisqu'il vient de rentrer au registre national des métiers. On est en train de boucler cette première partie et on va aller partir en 2030 glorieuse, puisque comme je disais en début de podcast, tu incarnes ces possibilités d'utopie réaliste, de futur souhaitable, de monde respectueux du vivant de demain. Et avant de rentrer là-dedans, de se projeter là-dedans, de vivre ensemble dans cette période des 2030, en sachant qu'on a cette décennie absolument pleine d'enjeux qui est face à nous, hein, de 2020 jusqu'à 2030, j'aimerais qu'on voit dans ce qui nous entoure, dans ce qui nous a entouré, dans ce qui a participé à nous construire, des signes aussi de ces possibilités qui en fait nous tendent les bras, et notamment à travers la littérature. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a plein de choses qu'on lit, et souvent notre mémoire s'attarde sur ces dystopies, ces récits d'un monde pire, d'un monde anxiogène. Moi j'aimerais bien que tu ouvres avec nous pendant quelques minutes une fenêtre d'utopie réaliste dans un bouquin. Là, en l'occurrence, toi, tu es venu avec Le Petit Prince. Peut-être quelque chose qu'on a lu tous un moment ou un autre dans notre vie, qu'on a entendu, peut-être qu'on a vu les dessins animés. Mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous permettre d'ouvrir une parenthèse en nous faisant la lecture d'un passage du Petit Prince, et ensuite tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi ça. Donc effectivement, c'est un extrait du Petit Prince qui est je crois en pas grand-chose, mais c'est ma Bible. Il y a beaucoup de poésie dans ce bouquin et on peut en tirer plein de leçons de vie. Cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. « Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs ?»« Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines ?»« Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles » Je ne le savais pas. J'étais alors trop occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles ? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh ! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas, les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs ?»« mais non, je ne crois rien, j'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. » Il me regarda stupéfait. « De choses sérieuses ?» Il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis, penchés sur un objet qui lui semblait très laid. « Tu parles comme les grandes personnes. » Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi ? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et c'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien ? Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs ? Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge ? Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça ? Il rougit puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et c'est pas important, ça ? Tu l'as dit, c'est un extrait du Petit Prince. Ouais. Merci Jean-Jacques pour cette lecture. Pourquoi, en fait, quand on a eu cette conversation en préparant le podcast, ça t'est venu tout de suite ? Ben oui, ça m'a venu tout de suite, tout de suite. L'image de la rose est intéressante en termes d'amour. Là, il y a aussi la notion des gens soi-disant importants. Et on est complètement dedans aujourd'hui. Pourquoi on va dans le mur ? Parce que les gens soi-disant importants, les gens qui ont des responsabilités, des gens à qui malheureusement on a donné des responsabilités, ne prennent pas les mesures qu'ils devraient prendre. C'est-à-dire n'ont pas le courage, on en revient à nouveau à ça, n'ont pas le courage de prendre les bonnes décisions. Des décisions drastiques qui feront pas obligatoirement plaisir à tout le monde. Mais aujourd'hui, je veux dire... si on est rationnel, alors c'est peut-être mon défaut, moi je suis quand même super, super rationnel, j'ai fait des études scientifiques au démarrage, on va dans le mur et c'est pas juste de fermer l'eau pour se laver les dents tous les jours qui va résoudre la problématique à laquelle on est confronté. Donc il y a un moment, voilà, on va pas raser gratis, donc il va falloir prendre des mesures drastiques. Tu fais la transition parfaite vers justement ces 2030 glorieuses. Quand je parlais des 30 glorieuses avec mon grand-père, il avait des étoiles dans les yeux, puisqu'à une époque, tout d'un coup, tout s'est ouvert. Les congés payés, la possibilité d'avoir un meilleur salaire, de se payer une première voiture, de partir en vacances, de payer des cours de voile à son fils, d'avoir des soins gratuits s'il le souhaitait en cas de pépin. Et il en parlait avec des étoiles dans les yeux. Aujourd'hui, on est beaucoup concentré sur tout ce qui fait les limites de notre époque et qui montre à quel point on est à la fin d'un système. Et j'ai peur qu'à force de trop regarder nos pieds, nous les prenions définitivement dans le tapis. Non pas qu'il ne faille pas se confronter à la réalité de notre époque et à tous ces enjeux, mais comme un navigateur, j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi oser rêver, proposer des utopies accessibles, mais qui soient suffisamment challengeantes pour nous permettre de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort. J'aimerais ensemble qu'on voyage pendant 20 minutes en 2030 glorieux. Je sais que ça va être une perspective pas évidente, mais qu'on s'offre un de ces caps des mondes de demain qui existeront sans doute au pluriel et qu'on voit ensemble comment on vit. Ça y est, on part du postulat qu'on a plutôt pas mal réussi notre décennie, malgré le fait que nous ayons actuellement, en 2020, des cartes en main qui soient plus que mauvaises. Nous sommes tout de suite, là, maintenant, en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu vois ? Alors, bon, je suis quand même obligé de dire que j'ai longtemps été optimiste et qu'aujourd'hui, j'ai peut-être un petit coup de mou et un certain désenchantement. Donc, j'espère qu'on sera bien dans ce 2030 joyeux et désirable. Mais je me pose quand même des questions de savoir si vraiment on va être capable d'y aller. Je raconte souvent que la démission de Nicolas Hulot m'avait un peu impacté parce qu'effectivement, grosso modo, ce qu'il disait... pour faire court, c'était on se bat tous les jours pour essayer de changer les choses, mais grosso modo, beaucoup de gens ne sont pas intéressés par ça. Donc moi, ça a un petit peu fait écho. Alors néanmoins, bon, on peut se dire qu'il y aura peut-être un sursaut, même si on dit qu'on change toujours plutôt dans le chaos que dans le bonheur. Mais enfin, j'ai longtemps défendu cette idée que c'était un monde désirable. Et d'ailleurs, le gros challenge qu'on a, c'est de changer justement cet imaginaire. Qu'est-ce qui doit nous faire rêver? Est-ce que c'est de changer de téléphone portable tous les 6 mois? Ou est-ce que c'est plutôt de passer du temps avec les gens qui sont chers à notre cœur? La fameuse phrase de Pierre Rabhi, hein, moins de biens, plus de liens. Mais effectivement, à un moment, quand on se pose la question du bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est sûrement cette relation aux autres. Donc, en 2030, c'est quand même demain. Donc, je ne pense pas quand même que les choses auront, même si on va dans le bon sens, qu'elles auront quand même beaucoup changé. Alors néanmoins, avec le recul, je me rends compte que je suis toujours en train de dire ça va pas assez vite, mais si je regarde il y a 2 ans ou il y a 5 ans, eh bien, on a quand même beaucoup avancé. La seule question, c'est que même si on a beaucoup avancé, je pense qu'on ne va pas assez vite. Tu parlais tout à l'heure des maîtres pour mesurer le succès de nos vies, tu as parlé de bonheur. Qu'est-ce qui, dans 2030 glorieuse, ferait qu'on puisse dire que nous avons réussi nos vies ? Alors, l'écologie, puisqu'on parle quand même d'écologie, certains disent que c'est une pastèque, hein, c'est-à-dire qu'elle est verte à l'extérieur, mais elle est rouge à l'intérieur. Donc il y a un moment aussi, c'est, je pense, ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est que quand on commence à parler d'écologie, d'environnement, on est obligé aussi de parler de social. Et malheureusement, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Pourquoi il y a des soubresauts, pourquoi il y a des gilets jaunes, pourquoi il y a des grèves, pourquoi il y a tout ça? Parce que, comme tu le disais, ton grand-père a vécu les 30 Glorieuses où notamment les acquis sociaux augmentaient tout le temps. Et malheureusement, depuis, 10 ans, on est toujours en train de revenir sur là-dessus. Donc aujourd'hui, on a des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Et donc c'est compliqué pour quelqu'un qui a du mal à finir son mois de se projeter dans cette dynamique-là. Donc concrètement, c'est une écologie sociale, c'est une écologie fraternelle. Tout à fait. Moi, je pense que la solution, elle est quand même sur un nouveau partage de la valeur. C'est pas logique, effectivement, qu'on ne taxe pas le kérosène, qu'on ne taxe pas les transactions financières. Voilà, il faut changer l'économie. Osons-le. Donc ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse. Nous avons osé prendre la décision de taxer le kérosène, tu disais. Ouais, taxer le kérosène, taxer les plus-values financières. Donc voilà, retrouver effectivement de l'argent où il y en a. Je pense qu'il faut être coercitif, hein, si on est conscient des enjeux ou de là où il faut aller. Il faut prendre des mesures un peu coercitives et de toute façon on s'y mettra. Dans l'entreprise c'est pareil, hein. Les entreprises, si on ne les force pas, elles changent rarement d'elles-mêmes. On aura des villes beaucoup plus apaisées avec beaucoup moins de voitures. Là, les grèves du moment nous montrent que il y a des moments où il y a plus de vélos que de voitures sur la chaussée. Et on voit bien que ça se passe beaucoup mieux. Il y a plein de gens qui sont en train, par cette contrainte induite des grèves des transports, de prendre plus facilement, plus régulièrement leur vélo et de se rendre compte que c'est sympa, je fais du sport, je vais plus rapide, je suis même plus rapide, bien sûr, qu'en voiture, mais même parfois qu'en transport en commun. L'exemplarité, en plus, il n'y a pas mieux pour faire... pour faire changer les gens. Alors l'exemplarité et puis le fait d'essayer aussi ces choses-là. La réglementation, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression qu'on en parle pendant des années en ayant peur de la contrainte que ça va effectuer sur nos vies, que ce soit pour le tabac dans les lieux publics ou dans les endroits fermés, que ce soit pour la baisse et la limitation de la vitesse sur la route, etc., etc. Le moment où ça passe, tout d'un coup, 2 semaines après, c'est normalisé et ça pose plus de questions à qui que ce soit, en fait. Donc 2030 glorieuse serait aussi une époque où le respect, la protection du vivant est entré, en fait, dans la loi comme une condition sine qua non de cette justice sociale. Oui, et puis la grande idée, c'est aussi de payer le vrai prix des choses. Hein, aujourd'hui, je parlais de l'avion, mais on peut parler de n'importe quelle matière qui est trimballée depuis l'autre côté de la planète. Quand on va payer le vrai prix des choses, c'est-à-dire non seulement du carburant, mais aussi des conséquences induites de cette pollution, les arbitrages vont bien sûr être complètement différents. Aujourd'hui, c'est pas normal que prendre un avion coûte moins cher pour un même trajet que le train. Voilà, et là il y a des aberrations et il y a des pays d'ailleurs qui sont en train de travailler. Donc en 2030 glorieuse, le train de nuit est revenu, le train coûte beaucoup moins cher. Voilà, le train de nuit est revenu, le train coûte moins cher, l'avion est effectivement très cher et peut-être qu'on prendra l'avion une fois tous les 5 ans, ce qui n'empêchera pas d'avoir de toute. On a en plus la chance de vivre dans un pays. En termes de géographie, de paysage, etc., qui fait que si on ne se lassera jamais de ces choses-là. Et puis l'extraordinaire, l'exotique, il est parfois au coin de la rue. Donc il faut aussi savoir à nouveau ouvrir les yeux. Et c'est pas parce qu'on va à 10 000 km que c'est obligatoirement par principe mieux. Il y a des choses incroyables, formidables, jolies au coin de la rue. Sur ces questions des mondes plus respectueux du vivant avec un grand V, moi j'aime bien le prisme de Satish Kumar, les lunettes qu'il utilise pour parler de nouvelle trinité. La trinité des 3S qui est soul, l'âme, soil, la terre et society, les autres. Je ne sais plus dans quel ordre exactement il le met. Là, on a parlé de la society, effectivement, de cette nécessité de justice pour envisager un monde où on respecte les autres comme une composante essentielle de nos sociétés. L'écologie spirituelle, l'écologie intérieure, quel rapport au bonheur ? Tu as parlé tout à l'heure du bonheur en 2030 glorieuse. Comment on peut enfin décider d'utiliser comme boussole de notre vie le bonheur ? Tu parles de respect, je pense qu'il faut aussi se respecter soi-même. Donc se respecter soi-même, c'est changer de rythme, prendre du temps pour soi. Pourquoi pas effectivement faire du yoga, faire de la méditation, des choses qui peuvent paraître parfois un peu ésotériques pour certains, alors que c'est simplement s'écouter et prendre le temps. Se respecter, c'est aussi, tu connais la phrase « nous sommes ce que nous mangeons », hein, qu'a dit Jane Goodall. Il y a d'ailleurs une exposition à Paris en ce moment sur le sujet. Et voilà, manger, entre guillemets, manger de la merde, comme disait Jean-Pierre Coff, c'est ne pas se respecter. Reprendre plaisir à faire de la cuisine. Et un cadeau de Noël d'un parent à un enfant, ça peut être aussi de transmettre une recette de cuisine qui s'est transmise comme ça avec les générations, plutôt que d'acheter le nouvel iPhone à la mode. Toi, en 2030 Glorieux, tu es encore maître composteur ? Non, je crois que je serai passé à une autre aventure. Je ne sais pas encore ce qu'elle sera, mais à mon avis, je serai ailleurs. Mais j'ai aucune idée de où je serai. Mais dans 10 ans, je pense que je serai passé à autre chose. Autant dans ton mode de vie qui est actuellement très urbain que dans ta relation au travail. Je ne sais pas. En France, à l'étranger, est-ce que ça sera. Je n'ai aucune idée, mais je pense que la vie est faite de phases. Ça fait une dizaine d'années que. Je suis sur ces sujets-là, donc je pense que je serais passé à autre chose. Mais voilà, je suis aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. je sens qu'une nouvelle aventure va m'attirer quelque part, mais je ne sais pas encore où elle est. Ouais. Et des maîtres composteurs, tu penses qu'il y en aura dans tous les quartiers, dans toutes les villes ? Ça sera beaucoup plus répandu ? Oui, alors ça se développe beaucoup. Maintenant, il y a plus de 300 maîtres composteurs, je crois, en France. On a des objectifs avec la nouvelle loi de transition énergétique qui fait que fin 2023, il y a une obligation pour les collectivités de mettre à disposition des citoyens un outil pour trier ces biodéchets. Donc on sent bien qu'il y a une demande des collectivités là pour développer ce type de choses, même si bien sûr ça passera aussi par de la massification et sûrement aussi de la collecte de biodéchets avec du compostage industriel. Mais bien évidemment que le compost de proximité va encore se développer, donc il y aura c'est un métier en devenir. Est-ce qu'il y a des formations qui existent pour devenir maître composteur? Oui, tout à fait. Donc, il y a des formations. Comme j'ai dit, hein, maintenant, c'est rentré dans le registre des métiers. C'est une formation qui dure 12 jours, enfin, en journée et demie. Et il y a pas mal d'organismes de formation qui les proposent en France. On a parlé des êtres humains, on a parlé de nous-mêmes, de cette relation à l'écologie intérieure, spirituelle. Quelle sera la relation avec le vivant dans sa globalité? Je pense qu'il y a une irrationalité dans la capacité de l'être humain à revoir sa relation à pas mal de choses. Si tu pouvais nous souhaiter quelque chose pour 2030 Glorieux sur notre capacité à se relier à la nature, qu'est-ce que ça serait? Ben, en tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut enseigner dès le plus jeune âge. Donc, je l'ai dit, malheureusement, nos parents ne sont plus en capacité de le faire. Donc, je crois que c'est aussi à l'école de le faire. Moi, je fais beaucoup de woofing, hein, c'est-à-dire d'aller partager le quotidien des fermiers bio pour apprendre et découvrir comment ça se passe. Ben, je pense que apprendre à cultiver son jardin, ça devrait être obligatoire à l'école, faire du woofing, ça devrait être obligatoire dans un parcours de formation, se recentrer sur les choses essentielles. Alors, je suis pas du tout dans cette dynamique là des collapsologistes et de l'effondrement, des collapsologues et de l'effondrement. Mais néanmoins, je pense que les lendemains ne chanteront peut-être pas, et donc savoir produire sa nourriture, savoir être relativement autonome, et de toute façon un savoir-faire qu'il faut reprendre en main. J'ai l'impression qu'il y a cette question de résilience autour de laquelle tu tournes beaucoup. Oui, parce que à nouveau, si vraiment on veut si on veut répondre aux enjeux qui sont les nôtres, il va falloir avoir une capacité de résilience importante pour à nouveau reproduire un petit peu tout ce qu'on mange et tout ce qu'on utilise en proximité. Je vais reprendre ta phrase de tout à l'heure qui disait que ceux qui veulent y arriver voient des solutions. Qui veut faire trouve une solution et qui ne veut pas faire trouve une excuse. On a 10 ans pour trouver des solutions. Je pense, moi, en plus, qu'au-delà de trouver comment faire, il faut trouver pourquoi le faire et encore même décider de voir tout ce qui se propose à nous comme une opportunité avec des possibles plutôt comme une menace avec des contraintes. On peut être plus gagnant que perdant. Alors, les solutions, on les a. Malheureusement, on les a et on les a depuis relativement longtemps. Ce qui nous manque, malheureusement, c'est la volonté, l'envie. Donc, à nouveau, il faut pouvoir donner envie, changer notre imaginaire. Mais malheureusement, il y a un très bon bouquin qui s'appelle Le bug humain qui nous explique quand même que le striatum là, qu'on a dans le cerveau nous pousse à tout sauf à partir dans la bonne direction. Donc, il n'y a que notre conscience qui peut lutter contre notre striatum là, qui nous pousse à consommer beaucoup, etc., etc. Il nous pousse à accumuler les plaisirs instantanés. Oui, alors c'est des phénomènes qui viennent de millions d'années, hein, puisque c'est une manière de se protéger, de manger tout ce qu'on peut, se reproduire le plus qu'on peut, etc., etc. Donc c'est un tavik entre guillemets chez nous, et ça, c'est il y a que la conscience qui peut aller au-delà, donc la conscience. Il y a la norme sociale aussi, parce qu'aujourd'hui, on arrive à accumuler ces micro-plaisirs en ayant des boutons de notification allumés en rouge quand on va sur les réseaux sociaux, ou d'avoir un nouvel iPhone. Là, c'est pas lié à notre survie, c'est juste que la société a fait en sorte qu'on voit ces étapes de notre quotidien comme des micro-accélérateurs de bonheur. Comment on peut aussi faire en sorte que nous, collectivement, on arrive à faire en sorte que ces accélérateurs de bonheur changent? Il faut effectivement que ces gens qui sont capables de nous conditionner changent l'objet de leur conditionnement et qu'ils aient comme ça un idéal de pouvoir nous faire changer d'imaginaire. C'est un peu le principe des nudges, hein, grosso modo. On utilise un peu des techniques pour nous donner envie de changer de comportement. Qu'est-ce qui active ton striatum, toi, en ce moment? L'amour, voilà. Je pense que l'amour au sens large, hein, aimer son prochain, c'est ce qui me, c'est mon moteur. Moi, c'est les autres. Je le voyais tout à l'heure, on le voit pas malheureusement avec le podcast, mais au moment où tu parlais des formations, tu parlais des rencontres en pied d'immeuble, il y avait vraiment cette étincelle dans les yeux. C'est des moments vraiment très épanouissants. On, bien sûr, dans une formation, on donne beaucoup, mais on reçoit énormément des gens conformes. On a déjà parlé depuis 40 minutes. J'arrive avec la dernière question de ce podcast qui sera systématique. On a 10 ans, effectivement, tu l'as dit, ça peut paraître extrêmement court. Et à la fois, quand on se relève un petit peu de la dernière année, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de manière presque exponentielle. Certains nous prédisent un moment de bascule. Donc comment réussir à jouer entre ce « tiens, 10 ans c'est énorme » et à la fois « c'est assez peu ». Je pense quand même que la route est beaucoup plus longue que ce qu'on pense jusqu'à 2030, même s'il va bien falloir commencer avec un premier pas. Les gens, une fois qu'ils auront terminé d'écouter ce podcast, ils vont retourner à leur quotidien, ils vont être happés à nouveau par toutes les choses qu'il y a à faire, on pense à autre chose et puis ça y est, c'est terminé. Quel est le premier pas que tu leur suggérerais pour marcher vers 2030 glorieuse plutôt que ce monde qu'on nous prédit de plus en plus ? Moi, je pense que j'ai une qualité qui est la curiosité. Je pense qu'il faut cultiver cette curiosité, il faut oser. Voilà, osons, faut essayer des nouvelles choses. C'est pas toujours facile, il y a toujours un risque. Je reviens sur cette histoire de woofing. Quand j'arrive dans une ferme, moi, que je ne connais bien sûr pas, il y a toujours ce petit moment d'appréhension parce qu'on va vers un futur qu'on ne connaît pas. Et puis, en général, une demi-heure après, dès qu'on a rencontré le fermier, on se rend compte qu'on est au bon endroit, qu'on va découvrir quelque chose de nouveau, qui va remplir de joie, de connaissances, etc. Donc, on nous conditionne aussi, d'ailleurs, à ne pas prendre ces risques. Hein. On a tous ce besoin de sécurité. Donc, il faut cultiver cette sortie de la zone de confort. En se disant que peut-être que de l'autre côté du pré, l'herbe est sympa aussi. Quoi. Et donc ne plus assimiler le confort comme la non-prise de risque, mais qu'au contraire, sortir de sa zone de confort peut apporter une meilleure vie, du bonheur. Oui, enfin moi j'aime bien cet exemple de Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb, quand il est parti, il partait chercher l'Inde. Quand il est parti, il y avait cet horizon qui devait... Tous les navigateurs connaissent un petit peu ça. Hein. Quand on part, ça peut être un petit peu angoissant quand même. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et puis, Christophe Colomb, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, mais il a trouvé autre chose. Et c'était pas mal. C'était les Amériques. Donc, je nous souhaite de partir vers l'inconnu sans avoir trop de peur et de découvrir quelque chose qu'on ne cherchait pas. Parce que de toute façon, on sait, hein, le futur ne sera pas ce qu'on imagine, mais ça sera peut-être bien mieux que ce qu'on a imaginé. Merci Jean-Jacques. Merci. Et voilà, le premier épisode du podcast 2030 Glorieuse se termine. Je suis très content d'avoir passé ces 45 minutes avec vous. Je voulais débriefer un peu ce qu'on avait entendu ensemble et surtout les quelques pistes de réflexion qui m'ont semblé particulièrement importantes et les cadeaux avec lesquels j'espère que vous repartez de cette écoute. La première chose, c'est que je suis assez impressionné par la capacité de Jean-Jacques à avoir toujours osé se poser des questions sur son parcours professionnel et toujours chercher à sortir de sa zone de confort pour être à l'endroit où il semblait le plus efficace, le plus en lien avec lui-même et donc aussi le plus en lien avec le vivant. Et cette expérience de maître composteur, moi, elle me semblait particulièrement importante à mettre en avant, dans le sens où, comme vous l'avez entendu, à partir du moment où on décide de reboucler la boucle du vivant en prenant conscience de nos déchets organiques, en les remettant dans le circuit et en le faisant en plus avec ses voisins, alors là c'est un procédé assez magique qui se met en place et qui montre qu'il en faut assez peu en fait pour réussir à recréer cette boucle avec les autres, cette boucle avec la nature. Une autre chose que je voulais aussi partager et qui m'a particulièrement interpellé, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce podcast et il va falloir que j'y travaille d'arrache-pied, c'est notre capacité, ou plutôt notre incapacité, nous Français, à vouloir se laisser aller à l'optimisme et à plonger tête la première dans les utopies. Dès qu'on a commencé à se poser la question des 2030 glorieuses, j'ai senti de la part de Jean-Jacques une prudence quand même à vouloir se projeter sur un cap où le vivant aurait été remis au cœur de tout. Je constate que nous, Français, nous sommes quand même les plus pessimistes au monde, et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose dans notre capacité à interpréter le présent, à relire notre passé, mais aussi à se projeter dans le futur. Et il est urgent d'arriver à tracer des caps de futur souhaitables si on veut vraiment réussir à faire en sorte que cette décennie soit un tournant dans la manière de vivre ensemble. Voilà, j'espère qu'on aura encore, je sais même qu'on aura encore d'autres rencontres passionnantes à venir, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !